the sunshine light, the sunshine light, the sunshine light, the sunshine light. Mais c'est ton foi, non tant d'amour. Moi, t'as remé, dire. Pour toute la vie, qu'on s'en senti. Le bon bon compte. Quand pile vit l'erreur, pas j'en place au premier. Oui, plaisir route pour nous choisir. Pas de commencer à marcher, pas de prendre courir, pas de s'acheter haut, prison nouveau, mon beau, dans le cise et guette aussi, qui n'en j'y pas à moi. On embrasse, on capote des chances pour demain, avant le soleil levé, dans une zèle pour voler. En pile promesse, pour nous t'aimer, pour nous battre sur la gueule, dans les vies de faire manger, dans la souris, yeah, yeah. Là où est soufflé dans un rayon, si qu'il y a un nounou, il n'a toujours ensemble, pour pas jamais séparer. Assoya, il passe à la, pour donner oui, à vous et qu'il y a d'amour. Let's end up. Oi, let's end up. Yeah. Two time. Sister Benze. Oye, oye, oye. Balil. Yeah.